Bonsoir, bonsoir, vous êtes sur Radio Radio, il est 21h01, nous sommes le 2 septembre 2021, nous sommes un jeudi soir. Qui dit jeudi soir à 21h01 dit vraiment autre chose. Vraiment autre chose est de retour. Ouais, ça y est, c'est la rentrée, ça fait trop plaisir. Nous sommes de retour donc dans les studios de Radio Radio, rue de la République à Saint-Cyprien. Ces bons studios de Radio Radio qui sentent bon l'encre et la craie, c'est la rentrée. On a nos cartables, on a pris notre petite note. Et je dis on parce que je suis pas tout seul dans les studios, je suis accompagné par l'ineffable camarade Guénolé. Bonsoir. Salut Manu, salut Tony, bonsoir tout le monde. Et ouais, tu fais bien de saluer Tony, car il est avec nous aussi en direct depuis Radio La Cherche, notre camarade Tony. Bonsoir, tu es là ? Bonsoir les Toulousains, bonsoir Toulouse, ici pas, Cherbourg. C'est normal, je t'ai coupé ton micro, pardon, bonsoir Tony. Bonsoir Toulouse, ici Cherbourg. Eh bien, bonsoir Cherbourg, Radio La Cherche, on n'est pas en direct sur Radio La Cherche, peut-être un de ces quatre. Non, je n'ai pas eu le temps, mais pour une prochaine, avec plaisir, même si je ne sais pas trop s'il y a des auditeurs en ce moment. C'est très sporadique, les auditeurs sur Radio La Cherche, puisque c'est un streaming diffusé en permanence et des directs de manière complètement irrégulière. Contrairement à Radio Radio, qui possède, ma foi, un socle d'audimat hyper large et hyper lourd. Non, je déconne, en fait, on ne sait pas tout bêtement, mais je pense que c'est pareil pour Radio La Cherche, les chiffres de médiamétrie en dessous d'une certaine fréquence, on ne sait pas du tout combien de personnes nous écoutent. Du coup, on sait qu'on est podcasté, on sait que les émissions sont souvent réécoutées, en différé. Vous pouvez réécouter celle-là, ou toutes celles que vous aurez ratées précédemment, d'ailleurs, sur le Mixcloud de Radio Radio ou sur le Mixcloud de vraiment autre chose. Ouais, bonheur, joie et un petit peu de générique. Ah non, il n'y en a plus. Et ben du coup, on va passer direct dans le vif du sujet. Ce soir, c'est une émission au pied de la lettre, comme on aime les appeler, à savoir hey, les cloches derrière moi, les cloches de Jean-Cohen Solal. Au pied de la lettre, oui, nous explorons avec nos camarades, avec une équipe à géométrie variable, la Nurse with Wound List. Nurse with Wound List, donc si vous avez raté les épisodes précédents, résumé des épisodes précédents. Guéno, tu peux nous résumer les épisodes précédents? C'est gentil. On a commencé par la lettre A, et puis la lettre B, et puis la lettre C, puis là on va clôturer le variant Delta. Et ouais, la lettre D, ouais, il s'agit, hein, ces lettres, c'est une liste de 300 noms qui figurent dans les deux premiers albums du groupe Nurse with Wound en 1979 et en 1981, puisque c'est ces musiciens qui n'étaient pas vraiment, qui se définissaient comme des non-musiciens, qui, c'est pour faire de la musique, il n'y a pas besoin d'être musicien, il suffit de savoir écouter, et ce sont des gens qui ont écouté énormément de musique, hein, John Fogerseal et Stephen Stapleton, ils ont écumé les disquaires de Londres, de l'Angleterre et même de toute l'Europe à la recherche de pépites. Ils ont fait un énorme travail de collecte et d'archivage. On parle de 1900, du début des années 70, donc d'une époque où il n'y avait pas d'internet, donc il fallait vraiment faire le tour des disquaires, être curieux, regarder, tiens, cette pochette elle est chelou, je vais écouter ce que ça donne. Et voilà, des gens qui ont collectionné des kilos de vinyle et qui se sont fait une discographie personnelle extrêmement riche et qui a été d'ailleurs, c'était leurs influences proclamées dans leurs deux premiers albums. Et donc c'est cette liste-là, la Nurse with Wound List, elle est restée célèbre dans la sphère des amateurs de musique bizarre, étrange, progressive, krautrock, expérimental, new wave, post-punk. Enfin, il y a énormément d'adjectifs qui collent à ces musiques-là. Et pour vraiment autre chose, pour nous, c'est la possibilité de faire un petit voyage dans ce qui se faisait d'étrange, de vraiment autre chose dans les années 70. Et ça fait, je crois qu'on en est à la 14, si je ne dis pas de bêtises, et on va enfin clore la lettre D. C'est dire si on s'y attarde. Voilà, la BBC avait fait une émission de 3 heures, Audience Guide to Nurse with Wound List. Nous avons décidé d'en faire 50 émissions de 3 heures. Voilà. Donc c'était un petit peu plus long, mais ça nous permet de découvrir avec vous, chers amis auditrices, la richesse et l'éclectisme des musiques de ces années-là. Voilà, c'est une exploration vraiment pas à pas où on essaie de, voilà, de décortiquer, où on découvre beaucoup de choses, du bon, du moins bon, de l'excellent, du très moins excellent, tout plein de choses. Et ben, qu'on découvre en fait un peu avec vous, à part bien sûr quelques noms qui résonnent à vos oreilles et aux nôtres. Et donc voilà, c'est un plaisir partagé ces tentatives d'exploration, parce qu'il y en a plusieurs. Et pour celle-là, pour la lettre D, on va laisser la parole à notre ami Tony. Oui, merci. Alors tout d'abord, merci à vraiment autre chose. Et déjà, tout d'abord, puisque historiquement, on avait commencé, moi je vous ai rejoint il y a un peu plus d'un an, dans cette fabuleuse émission radiophonique où je vous présentais le studio Chaudeland du Cotentin, donc avec des musiques plutôt rock et noise. Et un grand merci. Et donc, par la suite, j'ai enchaîné donc avec vous, avec Au pied de la lettre. Et en fait, je crois que je suis un peu chanceux parce qu'à chaque fois, je prends des trucs un peu au hasard. Et là, je reprenais un peu mes dossiers. J'ai découvert Henri Chopin, j'ai découvert Collegium Musicum, j'ai découvert la bande de Los Angeles là, qui font des trucs de ouf. Alors, c'est vrai que bon, il y a des choses plus ou moins bien, les Capsicum Red, Roberto Colombo. Qu'est-ce que j'avais fait aussi, Arbiter Fritid, qui a été une de mes plus grandes découvertes musicales, Alan Sondheim, voilà, je reprends un peu, mais vraiment c'est important pour moi parce que voilà, je suis fan de musique, je suis pas un grand connaisseur de Northwest Wand, et là aujourd'hui bah, je suis vraiment très très très très très content de vous faire découvrir Wolfgang Dauner. Alors je crois que c'était Nico qui devait présenter Wolfgang Dauner, qui aurait sûrement parlé plus que moi et qui connaît sûrement plus que moi ce grand monsieur du free jazz européen. Et en fait bah, j'ai fait ça un peu vite fait hier, je me suis concentré vraiment sur 69-70, sachant qu'il a commencé avant, mais alors j'ai écouté, alors aujourd'hui, hein, vraiment aujourd'hui, j'ai pas écouté les albums en entier. J'ai fait une petite écoute au casque et je suis tombé sur des pures beautés, des trucs incroyables, vraiment incroyables. Hein. Alors, en plus, j'ai pas pris de notes. Après, je vous dirai pour ma deuxième intervention. Mais alors, en fait, il y a une photo de Wolfgang Dauner, on peut le décrire. Il a pas beaucoup de cheveux sur le crâne, il a des cheveux longs derrière. Il a un petit embonpoint, il est sur un piano Schimmer en 1992. C'est un Stuttgartien, je ne sais pas comment on dit, donc parce qu'il est né à Stuttgart et décédé à Stuttgart, né en 1935. Il se met très jeune dans la musique, puisqu'il était. Il a commencé en quelle année ? Il est né en 1935, ouais. Pianiste, hein, il s'est concentré sur la composition, piano et la trompette, à la musico-school, à l'école de musique de Stuttgart. Et en fait, il faisait partie d'un sextuor dirigé par Yoki Freund. Et en fait, il monte un trio en 64. Alors, il joue avec quelqu'un dont on va réentendre parler dans la Northwest List, puisqu'il s'agit de Jean-Luc Ponty, qui a aussi travaillé avec Frank Zappa, et qui d'ailleurs, je crois, venait visiter sa grand-mère à Cherbourg. Et donc, cette première fois en 64, alors j'ai pas sa discographie sous les yeux, c'est une première session dans l'histoire du free jazz européen. Nous, on va s'intéresser à 1969, l'album The Oimels, donc qui sort en 69, qui est plutôt jazz rock. Alors, c'est rigolo aussi parce qu'il y a un morceau qui s'appelle Take Off Your Clothes to Feel the Setting Sun, qui fait forcément penser à Frank Zappa, à Take Off Your Clothes When You Dance, mais je crois qu'il est sorti en 67. On peut citer les musiciens. Eberhard Weber, qui joue de la basse, du violoncelle et dont on entend la voix. Roland Wittich à la batterie. Pierre Cavalli à la guitare. Siegfried Schwab à la guitare et au sitar. La peinture. Il y a une peinture de Dauner sur l'album. Et tout est écrit par le grand monsieur Wolfgang Dauner. Là, on va écouter une reprise d'un certain Lennon et d'un certain McCartney, c'est A Day in the Life. Eh ben, on démarre en beauté. Ah, j'ai vachement aimé cette reprise. Je suis très très difficile avec les reprises des Beatles parce que j'adore les originaux. Mais là, super chouette. Très bien. Eh bien, tant mieux, mon cher Manu. Eh bien, on va continuer avec les reprises. On va écouter donc un album donc en 70. J'ai les dates exactes qui va sortir en février 70. Là, on va enchaîner avec trois albums de 1970. Hein. Donc, quand même, forte proposition de Wolfgang Dauner. Là, ça va être en trio, donc avec les mêmes acolytes, Eberhard Weber à la basse et Roland Wittier à la batterie. Wolfgang, notre ami Wolfgang, est au piano. Et là, eh bien, on va écouter une reprise de Gershwin qui s'appelle « Here Come the Honeyman ». Et on va y aller de manière crescendo, c'est-à-dire que les morceaux vont être de plus en plus longs. Voici le Monsieur en miel. Thank you. C'était l'homme abeille de Wolfgang Dauner, c'est bien ça, Tony? Tout à fait, on pourrait traduire ça comme ça, d'après Gershwin. Ok, bon là c'est un peu moins ma cam, je vais pas te mentir. Ouais. Un petit peu plus piano jazz, mais après bon, c'est... Tout à fait, tout à fait. Ça donne un aperçu, cet album-là est très porté sur ce style musical. On va passer au troisième album, n'est-ce pas? Eh bien allons-y. Alors, enregistré en octobre 70 sur le label ECM. On sent que donc Wolfgang passe au clavinet, je ne sais pas ce que c'est, un Honor Electra clavinet et au ring avec des effets en fait. Il est toujours avec son copain Eberhard Weber. Il n'y a plus le batteur, c'est Fred Bresfull aux percussions et à la voix. Donc j'ai parlé du label et de l'album, petite référence à notre cher ami Nico qui nous manque. L'album s'appelle Output. Et on va écouter le morceau Output signé par Monsieur Dauner lui-même. Voici Output. We'll be right back. C'est vraiment chouette comme ça de découvrir un artiste, de scruter sa discographie parce que on va toujours quelque part de surprise en surprise. C'est vrai que là, ce titre que tu viens de nous partager, Tony, là, Output, tiré de l'album Output, ouais, rien à voir avec la petite reprise des Beatles ou le petit Gershwin piano jazz. Là, on est sur Ouais. quelque chose de plus, ouais, de plus brutal, de plus expérimental. On pourrait même Tout à parler de fait. travail sur la matière. Tout à fait. J'aurais pu remonter un peu avant parce qu'en fait, tu vois, ses collègues Eberhard Weber et Fred Breslau, par exemple, ils sont avec lui dès le début en 64. Alors ça, j'ai pas écouté l'album Dream Talk de 1964. Ils accompagnent aussi Jean-Luc Ponty avec un saxophone ténor et un violoncelle en 67 dans Free Action. Et j'imagine que bah, ils sont là aussi en 69 dans Rich Cash Soul. J'ai préféré me concentrer sur cette année 1970. Alors, est-ce que c'est à cause de l'album Paranoid de Black Sabbath qui a révolutionné la musique? Peut-être bien, puisque j'ai écouté quelque chose là-dessus aujourd'hui qui m'a influencé. Mais voilà, j'ai voulu me consacrer à une année. J'aime bien aussi le fait que ben, un musicien, un artiste nous sorte plusieurs propositions cette même année, alors qui est quand même magique, l'année 70. Alors, c'est vrai que je l'ai écouté vite fait, mais quand même. Je me suis dit, ah ouais, là on est dans le free jazz, là on est dans le jazz plus classique, là, bah tiens, une reprise des Beatles. Et en fait, j'ai trouvé dans ma toute petite écoute, hein, mais quelqu'un de très généreux. J'ai écouté bien d'autres morceaux, certes, mais je me suis dit, ah ouais, là, il va falloir que je prenne le temps de découvrir ce monsieur. Il y a un album, bah, je crois que c'est celui qu'on va écouter, puisque après, il va monter ce groupe qui s'appelle Etcetera. Et où il y a de fortes influences traditionnelles, indiennes, sans tomber non plus dans le hippisme ou le babacoulisme. Ah ben surtout pas parce que c'est vrai qu'il y avait beaucoup de gens qui tombaient dans le babacoulisme à cette époque, mais c'est sûrement pas Wolfgang Dauner qui est bab. Je ne pense pas. Donc là, on va écouter donc son groupe Etcetera, avec qui il a fait plusieurs albums après, je pense. Sorti en décembre 70. Il sort en 71, mais il a été enregistré en décembre 70. Et alors, pour les crédits, donc Eberhard Weber, toujours à la basse. Alors, il y a Sigi Schwab qui nous joue de la guitare, de l'harpe, sitar, du boule-boule tarang, du luth, de la vina, du sarangi, du tempura. Enfin, voilà. Donc, ça, la flûte, du balafon. Des kalimbas et des rythmodulateurs électroniques. Fred Breslau, toujours, qui a écrit les paroles et qui chante. Et la musique entièrement composée par Wolfgang Dohner, Roland Wittir à la percussion, Fred Breslau aussi, percussion, chant et bongo. Et synthétiseur, ah ouais, bah, synthétiseur, piano, clavinette, le clavicorde, le rythmodulateur, des percussions, trompette, flûte. Et d'autres instruments par Wolfgang Dohner lui-même. Donc, c'est Etcetera. Et on va écouter, je ne sais plus c'est quoi le morceau. First Day Morning Sunrise. Voici Etcetera. Thank you. We'll be right back. toujours Wolfgang Downer. Ouais, c'est clair, c'est pareil. Ça, c'est tout à fait différent de ce qu'on a pu entendre jusqu'alors. Tout à fait. Et voilà, 1970 pour Wolfgang Downer et le début de son groupe de jazz rock, etc. Et après, plusieurs albums, 1, 2, 3, 7. Un hommage lui est rendu à écouter, puisqu'il existe un site sur Wolfgang Downer. Et aussi, je vais m'empresser d'aller écouter The Fantastischen Vier, donc un des plus grands groupes de hip-hop de Stuttgart, dans lequel joue son fils Florian, qui est batteur. Et petite anecdote rigolote, donc c'est un groupe qui a commencé en 91. Et à la fin des années 90, ils vont aux États-Unis et en fait, ils se rendent compte que le hip-hop noir américain ne leur ressemble pas du tout. Donc, je vais aller m'empresser d'écouter ça, ce qui n'a rien à voir du tout. Mais voilà, un grand groupe de rap, de hip-hop allemand, comme quoi les chiens font aussi des chats. Et encore une autre anecdote, mais celle-là est même pas marrante. Si je dis pas de bêtises, c'est cet album de Wolfgang Downer dont tu nous as donné à entendre un extrait tout à l'heure, la Output, contient lui-même une liste d'influences du monsieur. Et comment sais-tu ça? Comment est-ce que tu le sais? Alors, je le sais parce que je l'ai vu sur Internet, donc c'est vrai. Ah oui, est-ce d'accord. Que ça te va comme information? Parce que je t'avoue que j'ai pas creusé beaucoup Wolfgang Downer. À un moment, je pensais que ce serait à moi qu'échouerait la lourde responsabilité de présenter le monsieur. Et donc, j'ai fureté sur certains blogs et je suis tombé sur cette information qui disait que, du coup, en substance, on pouvait éventuellement supposer que l'idée de la Nurse with One List venait de Wolfgang Downer, qui lui-même s'était adonné au jeu de la liste d'influence dans cet album Output. Est-ce que tu as vu cette liste? Non. Non, je ne l'ai pas vue. Elle serait très intéressante à voir. Ouais, carrément. Eh ben, écoute, je vais essayer pour la prochaine émission, on fera un petit bonus, parce que c'est vrai que je cite des choses qui ne sont pas très bien sourcées, donc s'il faut, c'est de la fake news de chez Fake News. Mais disons que si elle est fausse, cette anecdote, je la trouve quand même bien rigolote. Ouais. Et puis il y a une explication aux listes, effectivement, puisque on en avait déjà parlé, mais Albert Marker a fait une liste d'influences. Frank Zappa en a fait une dans Freak Out. Et voilà, c'est un exercice qui n'a pas été inventé par Nurse With One, c'est sûr. Ah ben oui, très bien. Donc est-ce que, en tout cas, Tony, on pourrait résumer l'œuvre de Wolfgang Downer le hippisme n'étant pas son cheval de Troie malgré ses grands sabots, quoi. Tu l'as dit, écoute, je n'ai rien à rajouter. J'aurais du mal à résumer l'œuvre de ce monsieur-là, si ce n'est que j'ai sous les yeux la pochette de Output qui est très dadaïste, je ne sais pas comment dire, hein, qui est très surréaliste. Donc effectivement, on est dans une exploration musicale, graphique, on a affaire à un personnage haut en couleur, en avance sur son temps, qui a quand même signé chez SM Records. Et voilà, on est dans cette période, cette année magique aussi, 1970. Je parlais de Paranoid des Black Sabbath, mais c'est vrai que toute cette période, c'est ce qu'on apprend avec la Nurse With One List, qu'on est dans des aventuriers de la musique, du graphisme, des arts en général. Et ce monsieur en fait partie, indéniablement. Eh bien oui, en tout cas, merci pour cette présentation. De ce Wolfgang, et puis voilà, tu as parlé de dadaïsme, donc de lettre D, et puis peut-être que ce serait annonciateur pour toi, Manu, pour le prochain groupe que tu vas annoncer, présenter. Carrément, il y a la dernière émission qu'on avait faite sur la Nurse With One List, je vous avais présenté un groupe américain qui s'appelait Débris, et là on va passer des débris au délabrement avec les Decays, encore un groupe américain qui nous vient de Los Angeles. Alors je vous cache pas que trouver des infos sur les Decays, ça a été assez compliqué, parce qu'ils ont un site, ils ont un site officiel, mais en fait sur ce site officiel on en apprend beaucoup plus sur les phénomènes de décroissance des ondes acoustiques ou maritimes que sur le groupe en lui-même. Il n'y a pas beaucoup de bio là, je pense que c'est un gag. Alors il y a pas mal de liens vers des sites spécialisés, notamment autour des chauves-souris ou alors des lamproies marines. Par contre, au niveau des informations sur les membres du groupe, là c'est un petit peu plus galère. Cet album là, Ich bin ein Spiegelein, ce qui veut dire, d'après Google Trad, ça veut dire je suis un miroir, ou alors ça veut dire je suis un œuf. Donc on va dire que ça veut dire je suis un œuf miroir, je suis un œuf au plat, c'est le nom de cet album, leur premier album en en 78. Les Decays, c'est un collectif de musiciens autour de Ron Kane. Ron Kane qui joue de la guitare, du mélotron, divers vents, qui joue de l'électronique aussi, qui est écrivain, qui est poète, qui est collectionneur de musique et surtout qui est extrêmement fan et collectionneur de tout ce qui est positif et qui a trait à la Nouvelle-Zélande. C'est vraiment son dada, il collectionne les coupures de presse, les agences de les pubs d'agences de voyage, la musique néo-zélandaise. C'est un fan de Nouvelle-Zélande, ce qui s'entend pas forcément dans l'œuvre d'Edicais, qui est une œuvre assez dure à définir parce qu'elle est vraiment plurielle. C'est-à-dire que d'un album à l'autre, on n'est pas forcément sur les mêmes sonorités, et puis même sur le même album. On va un petit peu de surprise en surprise. La patte commune qu'on peut trouver, c'est qu'il y a vachement de travail de studio. Tu parlais tout à l'heure d'amoncellement d'instruments pour créer de la matière sonore. Là, c'est plutôt le travail sur les bandes qui va la créer, la matière sonore chez les Decays. Du coup, ça texture, ça repisse les bandes dans des micros, ça double, ça duplique, ça repasse par-dessus. Enfin, il y a tout un gros boulot de studio dans l'œuvre de ces musiciens-là qui sont de Los Angeles et qui pour autant ne sont pas apparentés à la LAFMS dont tu es féru, cher ami Tony, la Los Angeles Free Music Society. C'est des potes, mais il n'y a pas de. Voilà, ils ne font pas partie non plus de ce collectif-là. Déjà, Decays est un collectif en lui-même, donc autour de ce musicien-là. Combien il y a d'albums ? 5 en tout. On va juste parler de celui de 78 parce que c'est leur premier et surtout que c'est forcément à celui-là qu'ils doivent leur présence dans la Nurse with Wound List. Album sorti complètement en DIY, ils ont créé leur propre label, c'est le cas de pas mal de groupes depuis qu'on parle de la Nurse with Wound List. Eux aussi ont créé donc leur propre label pour sortir cet album en 100 exemplaires, voilà. Pochette blanche avec de la bombe, le nom des groupes tagué à la bombe dessus, donc que des exemplaires uniques, on peut parler de Do It Yourself. Et voilà, sur cet album-là, c'est un duo, Decays, ça changera, c'est à géométrie variable selon les années. Sur cet album-là, donc, c'est un duo, c'est Paul Sacrison, qui est lui aussi un multi-instrumentiste, qui rejoint Ron Kane pour cet album qui contient deux pistes, une qui est plutôt, je dirais, ambiante, et l'autre qui est plutôt, comment définir ça, une espèce de post-noise assez influencé par le krautrock, en tout cas assez influencé par Cannes, on entend vraiment un peu de Cannes dedans, mais c'est pas cette piste-là que j'ai envie de partager avec vous, c'est la toute première, donc Deur Mouten, la face A de cet album. On est sur quelque chose de très ambiante, de très coulant. Tu parlais tout à l'heure d'un crescendo dans ton choix des œuvres de Wolfgang Dauner par rapport à la durée. Ben, je vais continuer ton crescendo parce que là on est parti pour 22 minutes de musique avant-gardiste, un petit peu psychédélique, très, très ambiante, très, très douce, très, très belle. Franchement, j'ai eu un grand, grand plaisir à écouter les deux pistes, à vrai dire. Je vais passer celle-là parce que c'est la face A, mais je vous conseille tout autant d'écouter l'album en entier. Ça s'écoute notamment sur YouTube. C'est vraiment très bien. C'est un voyage. C'est vraiment un voyage, peut-être pas forcément psychédélique, mais on va dire que cette face-là, elle est plutôt. La face 2, on est plutôt dans la recherche de trance. En tout cas, c'est très réussi. Superbe album que ce Ich bin ein Spinglein. Je le prononce très mal, mais je l'écoute très bien et c'est le principal. Que dire de plus avant de partir pour ce long voyage ? Ah ben tiens, oui, Guéno, à une époque, on avait coutume de parler de l'accord boisson. Musique, qu'est-ce qu'on peut boire en écoutant. Là, sur ce morceau-là, je vous conseille juste d'éviter la bière, le thé et toute boisson diurétique, parce qu'il y a quand même énormément de bruit de flotte, de rivière, etc., et que ça pourrait donc vous amener à devoir interrompre votre écoute pour un besoin pressant, ce qui serait dommage. Et là, j'ai plus rien à dire de plus, donc c'est parti pour Deur Mouten, c'est les Decays maintenant sur Radio, vraiment autre chose, au pied de la lettre. Thank you. Thank you. Thank you. Et c'est ainsi que s'achève ce titre Deur Motten de Dickeyes. S'achève par un espèce de fade-out aquatique. J'ai presque envie de parler d'un fade-out. Mais voilà pour ce titre. Donc, réunissez une guitare, un peu de flotte, probablement une baignoire parce qu'il y a beaucoup de bruit d'éclaboussement. Il y a un super solo d'ailleurs à un moment d'eau hein, vers la fin. Là, vous l'aurez apprécié tout comme moi. Vers 4 minutes avant la fin, là, c'est carrément l'eau qui devient l'instrument rythmique et qui part en solo. Et un vent que, personnellement, j'aurais dit une clarinette basse, mais sur certains blogs, encore une fois, c'est dur d'avoir des infos officielles de ce groupe, sur certains blogs, on parle d'un hautbois. Bon, donc voilà, si vous avez une idée, chers amis auditrices, n'hésitez pas à nous appeler, parce que c'est plutôt entendu un hautbois ou une clarinette basse. En tout cas, voilà pour ce titre, donc la face A de l'album Ich bin ein Spenglein, je suis un œuf au plat. La face B, comme je vous disais, elle est un petit peu plus dans un esprit canne, je dirais, quelque chose de trance, de répétitif, mais plus rock, plus électrique. Et après, par la suite, nos amis les Dickeyes sortiront pas moins de 4 albums supplémentaires jusqu'en 1981, dont Hornets en 81, qui vaut carrément le coup d'oreille. Et là, on n'est plus du tout dans le même univers, on est sur des chansons plutôt courtes, des chansons avec un esprit pop mais complètement bidouillé qui rappelle carrément les Residents ou Tuxedo Moon ou toute cette petite sphère musicale américaine qui gravitait autour du label Ralph Records. Et après, c'est la disparition totale entre 81 et 2014 où ils sortent un nouvel album, Aquarium. Là, pour le coup, je ne l'ai pas écouté, je ne pourrais pas vous en parler. Voilà, Dickeyes, encore un groupe qui a vu sa renommée exploser internationalement grâce à la Nurse With Wound List. Et bizarrement, localement, malgré toute l'émulation qu'il pouvait y avoir à Los Angeles, autour de la Los Angeles Free Music Society, ça n'a pas spécialement pris. Mais voilà un groupe qui a plutôt percé à l'international. Et encore l'histoire d'un groupe qui faisait des albums DIY, qui a enregistré dans son garage et qui a accédé à une certaine célébrité ou postérité, ou pourquoi pas éternité, allez savoir, grâce à la Nurse With Wound List. Voilà, j'en ai fini avec les 10 cas. Et je laisse la parole à mon ami qui est si agréable qu'on ne trouve pas de mots pour l'exprimer, l'ineffable donc Guénolé, c'est à toi. Je te remercie Manu. Donc oui, donc on va rester avec un groupe allemand. Donc c'est vrai que la Nurse With Wound List nous a quand même nous gratifie de nombreux groupes allemands. Donc de ce fameux krautrock dont on ne saurait encore contredire la, on va dire l'étymologie ou pas. Il y a la cosmic music aussi, la cosmic, c'est peut-être un peu plus élégant que la musique, que le rock saucisse, non? Choucroute. Choucroute, oui. Bon, saucisse, choucroute, c'est un peu comme l'enneige et neige au plat. Allez, que ce groupe nous vient de Sarrebruck. Donc, je crois que c'est la première fois qu'on a un groupe de Sarrebruck. Donc, on peut quand même admirer Steve Stapleton d'avoir changé de ville en Allemagne. Et donc, existence éphémère de ce groupe entre 68 et 72. Et ils seront formés comme quelques-uns des groupes quand même qu'on a eu, comme beaucoup de groupes qui sont nés, apparus dans les années 70. Voilà, ils ont une petite reformation dans les années 90. Voilà, c'est un petit clin d'œil à Radio Panique, à Nico, pour les 90 et les 70. Donc le premier album s'appelle First, donc jusque-là, tout va bien. C'est pendant la première période de leur carrière. Et le second s'appelle Make Ends Meet. Donc, je ne sais pas comment trop le traduire, mais bon, ça s'annonce comme la fin de la seconde période de ce groupe. Et la preuve, il n'y en a pas eu de troisième. Donc voilà, donc c'est un groupe allemand donc, que j'ai découvert. Je n'ai pas été renversé, mais j'ai été quand même assez curieux par ce nom. Non pas parce que j'ai fait 2-3 ans en latin, mais si, mais parce que je ne savais pas du tout ce que ça voulait dire. Et en le googlant, ben, il s'avère que les occurrences sont multiples. Elles sont très très, très nombreuses parce qu'en fait, c'est un poème, un chant, un poème liturgique. Donc, c'est un poème chanté, on va dire. Dies Irae, hein, c'est le nom du groupe. Oui, Dies Irae. Oui, pardon, excusez-moi. Je n'ai peut-être pas dit. Donc, en latin, ça veut dire la prose des morts. Donc, voilà, ça a été... c'est un chant, poème liturgique de l'époque médiévale. Donc, ça remonterait au 11e, on va dire, d'après ce que j'ai pu lire. Et voilà, ça aborde l'ire de Dieu, le jugement dernier, donc l'apocalypse, les ténèbres, la fureur sont quand même assez présentes, ou le requiem, la mort, la prose des morts. Donc, c'est assez présent donc, dans ce poème. Et ça a été une forte, forte inspiration dans tous les domaines de l'art et en premier lieu de la musique. Je vais vous citer juste quelques noms, mais ça va de Lully, Mahler, Stravinsky, Dvorak, Ravel, Mozart, Requiem, Dies Irae de Mozart. Et également au cinéma. Noir Désir aussi. Ah, Noir Désir, c'est pas... Ouais. Tant que j'étais hyper fan de Noir Désir, il y a un live de Noir Désir qui s'appelle Dies Irae, où d'ailleurs ils commettent l'irréparable, une reprise de King Crimson absolument affreuse. Ah, donc ils ont commis deux fois l'irréparable. Ouais, carrément. Voilà, fin de la parenthèse, pardon. Ok, non, il n'y a pas de souci. Et également au cinéma, donc voilà, vu que le thème de la mort est abordé dans ce poème, ben c'est sûr, la mort est présente au cinéma. Donc, Metropolis, c'est le premier de Fritz Lang qui l'a amené dans sa BO. Il y a également L'Aurore de Murnau. Et même, ça va jusqu'à Star Wars et Pirates des Caraïbes. Donc, le chant des possibles, avec Jésus. Et non, et juste, par contre, c'est aussi également la musique du générique d'entrée du générique de Shining. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, mais je vous propose de visualiser ce petit travelling, c'est pas un travelling, ce plan séquence de Shining avec Dies Irae, reprise par Wendy Carlos sous le nom de Walter Carlos. Thank you. petit générique de Shining. J'espère que ça vous a me remémoré des images vraiment annonciateurs. Voilà, donc on sent quand même un peu la marche funèbre, la mort qui hante, qui guette, et peut-être le labyrinthe qui sera à la fin. Chut, spoiler. Divulgage, pardon. Et donc, mais bon, revenons donc à ce groupe allemand, Dies Irae. Donc voilà, on est plus dans le crotrock, comme on disait tout à l'heure. Le psyché assez blues quand même, très blues rock, assez, on va dire, il y a pas mal de pentatonique, tout ça. Il y a le chanteur, ils sont quatre. Le chanteur emploie des fois son harmonica. Donc voilà, donc on est vraiment dans un côté voilà, pas très très on va dire audacieux pour l'époque, et qui voilà, rien de très extraordinaire, mais qui peut faire plaisir. Moi le premier morceau là que de eux, donc de l'album First de 1970 que je vous propose, j'ai choisi parce que notamment par son nom, donc Armageddon Dragon Love. Je trouve ça pas mal. Donc on va écouter Armageddon Dragon Love du groupe allemand Dies Irae de l'album First. Seven virgins make Donc voilà, c'était le premier morceau que j'ai choisi, donc du groupe Yes Irae, Armageddon Dragon Love. Donc voilà, que j'ai choisi par ce nom, parce qu'il y avait Love, et puis il y avait Dragon aussi. Et Armageddon qui faisait forcément écho à ce dernier jour, à l'apocalypse et à tout ça. Et ensuite, donc un autre morceau qui est un peu plus différent, où il y a un peu plus d'expérimental, enfin en tout cas de psyché, où voilà, c'est un peu moins blues, où les 3-4 premières minutes sont un peu plus brouillonnes comme on les aime, pour à la fin advenir à quelque chose de plus construit, comme eux nous ont amené à nous faire écouter au morceau précédent. Donc le morceau s'appelle Trip, donc c'est peut-être à cause de cela. Donc Trip de Dias Irae et Manu. Join me in my trip. So beautiful. God planning, yes it is. Donc voilà, c'était le morceau Trip. Donc voilà, donc il est légèrement différent. C'est pour ça que je souhaitais aussi le faire passer, parce que les autres morceaux sont plus de la veine du premier, où c'est un peu plus punchy, un peu côté blues rock, avec des belles phases aussi. Mais voilà, celle-ci est un peu plus en gamme, on va dire. En gamme. Ouais, un peu plus musique à fumer, quoi. Mais c'est cool, carrément. J'ai bien apprécié. Enfin, surtout, j'avais pas apprécié le premier. Du coup, l'espèce de contraste fait que ce morceau-là, ouais, carrément. J'ai beaucoup plus adhéré. Bon, ce n'est que mon point de vue, du reste. Et j'espère que nos auditrices se seront fait leur propre opinion et qu'auront su trouver aussi du plaisir dans ce Dies Irae, hein. C'est un petit peu toute la gageure aussi de présenter cette liste des années 70. C'est qu'autant il y a des choses qui sont vraiment précurseurs ou qui sont encore d'actualité, qui tapent encore méchamment. Enfin, moi, j'ai certaines claques que j'ai pris, genre Chrome par exemple, ou Débris, ça marche encore. Autant, c'est vrai que des fois, on tombe sur des choses qui étaient certes à l'époque novatrices et représentatrices d'un certain état d'esprit, et qui, avec les années, ont un petit peu perdu de leur fraîcheur, je dirais. Ouais. Oui, tout à fait. Et puis même où ça se... On peut le dire, ça se ressemble, en fait, après coup, avec le recul, tu sens un peu tout ce phénomène, ce mouvement. Ben, sur le coup, j'imagine que les voir en concert, tout ça, à chaque fois, les claques devaient être grandes. Mais voilà, avec le recul, tout ça, on peut voir une petite cohérence, et du coup une petite lassitude qui peut aller. Mais bon, je sais pas, toi Manu, peut-être que tu vas nous délasser. D'une certaine façon, oui. Puis je vais vous relaisser quand même dans certaines habitudes, hein. C'est fou, c'est la combienième, c'est la 14e, peut-être la 15e émission qu'on fait au pied de la lettre. On est en train de finir avec la lettre D, donc il nous reste quand même jusqu'au Z. Et j'ai déjà l'impression qu'on est rentré dans un univers et qu'on a chopé des codes. J'espère que c'est aussi votre cas, chers amis auditrices, chers amis auditeurs. On commence à vraiment saisir un petit peu le sel de ce qui pouvait se passer dans une époque. Et comme par exemple, ce qui se passait en France, justement, à la fin des années 60. Et j'en avais parlé ici même, il y a quelques émissions de ça, je vous avais présenté le Coel Mec Ensemble. Et le groupe dont on va parler maintenant s'appelle Dharma Quintet. Bon, il n'y a pas de musiciens en commun, mais par contre, ce qu'il y a en commun, c'est que c'est vraiment... ça raconte la même vague et la même histoire, à savoir des musiciens plutôt orientés jazz à la fin des années 60 et qui se sont bouffés de choc coup sur coup, à savoir mai 68, qui a révolutionné, remis en question pas mal de choses au niveau de ce qui était de la hiérarchie, du vivre ensemble, de l'égalitarisme, de la communauté, si j'ose dire, et qui va trouver carrément une concrétisation dans la façon d'imaginer la musique et de la vivre et de la créer. Et il y a aussi, et ça je vous en avais aussi parlé, l'arrivée massive de musiciens de free jazz américains, notamment à Paris et notamment au centre américain. Le centre américain qui est maintenant, je crois, c'est la fondation Louis Vuitton qui est à cet endroit-là, la boulevard Raspail. Et le centre américain, c'est tous les jeudis soirs des énormes jams avec des musiciens extraordinaires, enfin des grands, grands noms du free jazz américain, des Anthony Braxton, des Art Ensemble of Chicago, des musiciens comme ça extrêmement renommés qui sont restés dans l'histoire de ces musiques-là, Albert Ayler par exemple aussi. Et c'est dans ce centre américain d'ailleurs, je reviens au Dharma Quintet, que se rencontrent le pianiste Patricio Villarroel et le batteur Jacques Mailleux. Et Jacques Mailleux, bon, très très belle rencontre, et Jacques Mailleux qui dit « Attends, je vais te présenter mes copains. » Alors lui c'est Jeff Sicard qui joue de l'alto, du ténor et de la flûte. Lui c'est Gérard Capéré qui joue du sax ténor et du soprano. Et lui c'est Michel Gladieux, le contrebassiste. Et c'est ainsi que naît le Dharma Quintet. Et le Dharma Quintet, je pourrais vous ressortir carrément le speech que j'avais fait sur le Coel Mec Ensemble. Et il y a pas mal de formations en France qui sont nées comme ça, de cette mouvance-là. Le workshop de Lyon aussi, par exemple, qu'on a affaire à des gens qui réfléchissent la musique déjà comme étant n'étant absolument pas hiérarchisée. Je parle du fonctionnement du groupe, donc il n'y a pas de lead. Il n'y a pas de lead, il n'y a même pas de membre à vie. Et le Dharma, d'ailleurs, Dharma Quintet, mais qui existera aussi en forme de Dharma Trio, voire de Dharma tout court, change de membre au fur et à à mesure des albums, il n'y a pas de problème. Au fur et à mesure des concerts, il y a même un mec du Quoi le mec ensemble, Jean-François Mechali, qui va faire partie du groupe à un moment. Enfin, ça tourne. C'est plus une communauté en fait de musiciens qu'un groupe en soi. Ce sont des gens qui sortent en concert ensemble, qui se font des grosses soirées à écouter de la musique ensemble et qui vivent ensemble. Et qui composent de la musique ensemble. Il y a vraiment une idée de communauté. On n'est même pas tellement dans l'idée d'un groupe. Ça, c'est pour le fonctionnement interne. Et après, c'est pareil que pour le Quoi le mec. C'est des gens qui se bouffent dans la gueule le free jazz américain avec tout ce que ça peut raconter, pour qui c'est une claque énorme, donc une super influence, et qui, quelque part aussi, comment dire, se sentent pas forcément légitimes à jouer la même chose, parce que le free jazz, c'est un cri de guerre, c'est un cri de colère dans ces années-là, quand ça apparaît en Amérique. Et ça raconte une histoire, l'histoire d'un peuple opprimé. Et bon, c'est chouette, musiciens français, blancs, d'ailleurs tous masculins, pour le coup ils ont réfléchi à des choses, mais la question de la mixité, elle n'était pas vraiment réglée. Du reste, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de garçons dans cette Nurse With One List, on va pas se mentir, malgré tous les beaux élans et les belles volontés de remettre les choses à plat. Cette question-là, elle n'était pas encore remise à plat à ce moment-là. Heureusement que c'est en train un petit peu d'avancer, mais pas assez vite, fin de la parenthèse, enfin non, espérons que cette parenthèse puisse s'étendre à l'infini. Mais pour en revenir au Dharma Quintet, ils sortent leur premier album en 70, Mr. Robinson, donc un album très influencé free jazz, et puis ils finissent par chercher leur propre son, comme je vous disais, en s'émancipant justement de ces influences fortes et de ces grosses claques qu'ils ont pris dans la gueule. Et puis aussi, voilà, avec cette idée toujours de collectif, il n'y a pas de solo, enfin un solo ne peut s'inscrire que dans l'idée d'un cadre collectif. Ce sont vraiment des choses extrêmement réfléchies par ces musiciens-là. Ça s'entend ou pas dans la musique. Moi, je vous avoue que je n'ai vraiment pas assez les codes du free jazz pour faire la différence entre ce free jazz du Dharma Quintet et le free jazz originel auquel ils se référencent et qui les a mus et donné envie d'exister. Mais ça reste quand même une musique extrêmement agréable. Ils vont sortir donc plusieurs albums, mais sous des formes différentes, comme je vous le disais. Il y a le Dharma Trio, une musique très accessible, très piano jazz. Leur tout dernier album, enfin album, leur toute dernière collaboration en tant que Dharma, ils sont musiciens sur l'album Visage Village de Colette Mani. Mais c'est en tant que Dharma Quintet qu'ils apparaissent dans la Nurse With One List, donc je me suis concentré sur le Dharma Quintet, à savoir sur trois albums, Mr. Robinson, et surtout cet album-là, dont on va écouter un extrait dès maintenant. L'extrait, c'est le nom de l'album, ça tombe bien parce que j'avais perdu ma fiche. Donc, And Starting, c'est le nom de l'album, c'est le nom du morceau. Donc, c'est parti pour une petite rencontre avec le Dharma Quintet. We'll be right back. Thank you. Donc Dharma Quintet, un extrait de l'album Unstarting, le deuxième album, ouais c'est ça, le deuxième, ouais. Le premier sort en 70, celui-là sort en 71, entre temps les enfants en trio, ils en sortiront un nouveau sous le titre de Dharma Quintet, deux autres sous le titre de Dharma, et comme je le disais, ils finiront par accompagner Colette Mani dans son album Visage Village. Voilà, que dire de plus sur le Dharma Quintet? Eh bien, rien. Et c'est ce que je vais faire. Merci. Je t'en prie. Si, le titre et le nom de cet album, c'est Unstarting. Et nous-mêmes, on va suivre ce conseil. On va terminer comme on a commencé, en laissant la parole à Tony pour le dernier groupe de cette lettre D, de cette tentative d'exploration radiophonique de la Nurseries Only. Si vous prenez l'émission en cours, eh bien, vous écoutez vraiment autre chose et nous explorons la Nurseries One List. Tout à l'heure, Guéno a fait une petite parenthèse dans sa présentation de Dies Irae pour nous faire écouter la bande originale du film Shining qui se termine par un labyrinthe. Et toi, tu vas nous parler d'un dédale. Tout à fait. Et d'ailleurs, Wendy ne s'est pas transformée en Carlos et c'est l'inverse. C'est Carlos qui est devenu Wendy. Non. Non, je confonds. Wendy Carlos, Guénolé, tu te souviens? Oui, vas-y. Alors, tu as dit quoi tout à l'heure? Non, je sais que Wendy Carlos était son prénom et son nom, et qu'elle apparaissait au générique en tant que compositeur, Walter Carlos, pour elle brouiller voilà, les pistes. C'est Walter qui s'est transformé en Wendy. Voilà, exactement. Puisque je crois que par la suite, elle a travaillé sur Orange Mécanique. Exactement. Voilà, très grande bande-son d'ailleurs. Merci de nous avoir fait réécouter cette introduction de ce magnifique chef-d'œuvre, un des plus grands films d'épouvante qui soit, mais à mon cœur. Nous allons à Pinerolo, dans le Piémont en Italie. Alors, on ne va pas y aller en 73, puisque c'est le début du groupe de Daedalus, formé par Fiorenzo Michele Bonanzone, Marco Di Castri, Furio Di Castri, donc on dirait que c'est des frères, et Enrico Grosso. Alors on ne va pas s'attarder sur 73 parce qu'en fait on est un peu voilà, sur des fans de jazz rock, de soft machine. Le bassiste s'en va, Furio, pour s'assurer un petit peu une carrière. Puisque aussi, c'est ça dans la musique, c'est un peu fragile, on ne sait pas trop de quoi on vit. Lui, Furio, il s'en va, il va se faire une petite carrière stable en tant que bassiste de jazz. Et ce qui va nous intéresser, donc, c'est 74, quand Furio s'en va. Et que vont-ils faire? Ils vont nous faire quelque chose d'assez avant-gardiste, voilà, avec beaucoup d'électronique. L'album s'appelle, je suis pas très fort en italien comme toi, mon cher Guénolé, Materiale per tre esecutori e nastro magnetico. Tu sais ce que ça veut dire, Guénolé? Guénolé ne t'entend pas. Ah, mince. Alors vas-y, est-ce que tu peux la redire? Materiale per tre esecutori e nastro magnetico. Mon accent n'est pas très bon. Va bene, Tony. Ouais, on va dire ça, ok. Si. Alors, je sais c'est pas. C'est dommage, la semaine dernière, nous recevions Frédéric Michio, un groupe italien. Ah ouais, c'est ils dommage, auraient pu ouais. nous aider à traduire, voilà. Mais l'émission de Frédéric Michio, vous pouvez l'écouter sur le blog de vraiment autre chose. Avec un super groupe italien, n'est-ce pas? Oui, voilà, eux-mêmes, ouais. Les fameux Frédéric Michio dont je parlais. Mais je ferme la parenthèse. Ok. Et je te laisse à ton dédale. Eh bien, mon dédale, écoute, que dire de plus, si ce n'est que j'ai envie de te dire, il n'y a plus qu'à écouter. Je ne sais plus quel est l'ordre. Moi, mon ordre, c'est Discorso su due piani. On peut faire une petite pause ou enchaîner les morceaux, comme tu veux. Voici Daedalus. Sempre, J'espère que vous êtes encore à l'antenne, chers amis auditrices que vous, et auditeurs, que vous continuez à écouter vraiment autre chose, parce que là, comme le dit la bonne vieille expression, on vous a un peu gardé le meilleur pour la fin. Enfin, je trouve. C'est super, oui. Tony, ce que oui. tu nous fais entendre là. C'est magnifique. Oh, le bassiste ne les a pas trop manqués. voilà, ils ont fait avec de l'électronique. Et d'ailleurs, suite à ce deuxième album, ils ont sorti un album, mais qui n'est jamais sorti, en fait. Ils sont reformés au début des années 90, je crois. Non, 97. Et ils ont dû le ressortir en 2017. Il y a un album de 4 CD qui est sorti. Et je ne sais pas du tout ce qui est sorti dans cet album en 2017. Mais voilà, donc c'est vraiment un super album matérialé, Pertre e Secutori e Nastro Magnetico, chef-d'œuvre, dont on va écouter un deuxième morceau qui s'appelle Con più frequenza. Donc alors, je me permets de te couper, on l'a écouté celui-là. Ah mince, oh pardon. Ah, on en a écouté deux d'affilée, ouais, je t'ai pas prévenu. Mais... Ah oui, autant pour moi. Voilà. Eh ben, le dernier, c'est Accordanza. Ouais, carrément. Exactement. Allez, alors c'est parti pour Accordanza. Allez. Thank you. Et c'est sur ce Accordanza du groupe Daedalus, tiré de l'album. Tony, tu peux rappeler le nom de cet album ? Materiale per tre esecutori e nastro magnetico. Voilà, c'est sur ce titre-là que s'achève cette 15e tentative d'exploration de la Dare Sweet One List. Une émission, une tentative d'exploration qui nous aura amené quand même pas mal du côté du jazz cette fois-ci, hein, on va pas se mentir. C'est pas voulu, hein, on fait les groupes un peu par ordre alphabétique, en tout cas par pack de lettres. Et là, allez savoir pourquoi, mais il y avait une ambiance assez jazz et assez bluesy, mais pas que ce soir. Et on a écouté pas mal de choses assez surprenantes. On a commencé avec, c'est toi Tony qui a démarré la danse avec Wolfgang Dauner. Tout à fait, qui nous vient de Stuttgart. On a écouté 4 albums entre 69 et 70. Oimels en 1970, l'album Oimels en 70, un extrait de l'album Music Sounds en 1970 aussi, un extrait de l'album Output et un extrait de l'album Et cetera qui est sorti en début 1971. Et ensuite, Manu, on a eu The Decays. Decays, là, on était du côté de Los Angeles. On s'est écouté le titre qui est toute la face A de leur premier album, Ich bin ein Spengelein, album autoproduit, tiré à une centaine d'exemplaires. Le titre, c'était Die Hormuten. Il y avait de la clarinette basse, enfin, du moins, m'a-t-il semblé, de la guitare et beaucoup, beaucoup de flotte et un petit peu de verre brisé. Et ensuite, j'ai poursuivi avec Dies Irae. Donc, comme Manu et Tony ont pu le rappeler, où j'ai commencé par la petite BO de Shining. Mais bon, c'était un groupe allemand. Voilà, où c'était pas la grande découverte. Mais nous l'avons découvert ensemble. Dies Irae avec l'album First, et la chanson Armageddon Dragon Love et la chanson Trip. Ensuite, on s'est replongé dans l'effervescence de la musique free jazz et surtout de l'apport des idées libertaires de 1968 et de l'arrivée massive de musiciens de free jazz américains et l'impact que ça a pu avoir sur certaines formations françaises. On avait parlé du Coelmec il y a 3-4 émissions de ça, le Coelmec ensemble. Ce soir, c'est le Dharma Quintet qui a occupé notre esprit et nos oreilles avec un seul titre, mais quel titre, End Starting, tiré de leur deuxième album en tant que quintette, End Starting. Et ensuite l'Italie avec le groupe Daedalus, avec leur deuxième album en 1974, les morceaux 3, 7 et 8 de l'album Discorso su due piani, ensuite Con più frequenza, et pour finir Accordanza de l'album Materiale, per tre esecutori e nastro magnetico. Perfecto. Perfecto, merci beaucoup. Cette émission sera en ligne et donc écoutable sur le Mixcloud de Radio Radio et sur le blog de Vraiment Autre Chose dans quelques jours. Et nous, on se retrouve jeudi prochain pour la 16e tentative d'exploration de la Nurse with One List avec un peu de chance le camarade Nico. Peut-être que Inès sera là. Tony, tu seras là ? Normalement, oui. Eh ben parfait, ben voilà, toute la bande se retrouve la semaine prochaine. Et ben il me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne fin de soirée, Tony et Guéno, ainsi qu'à nos auditrices, à nos auditeurs. Ah ben alors ça c'est ouf, c'est le hasard qui veut ça, et le hasard parfois fait des choses assez extraordinaires, mais quand nous aurons terminé cette émission, et ben on va s'écouter un titre du Wolfgang Dauner Quintet. Voilà, ça c'est le robot de Radio Radio. Il y a plein de morceaux qui passent de façon aléatoire, et là je suis en train de voir que voilà, on va terminer avec le Wolfgang Dauner Quintet. Enfin, on va pas tout à fait terminer parce qu'avant de rendre l'antenne tout à l'heure, je soulignais avec tristesse l'absence de musicienne dans cette émission, dans cette 15e tentative d'exploration. Alors on va laisser la parole à une très très grande dame des musiques free jazz, des musiques enragées, des textes féministes et po- poétique, à savoir Colette Mani. On va s'écouter un extrait de l'album Visage Village. Autour d'elle, les musiciens du Dharma Quintet, même si ça ne s'entend pas forcément, enfin on ne retrouve pas forcément le son qu'on avait écouté tout à l'heure de ce groupe-là. En tout cas, ils sont là. Une seule partie d'ailleurs, il n'y a qu'un seul musicien en commun avec ce qu'on a écouté tout à l'heure. Comme je vous ai dit, Dharma Quintet, c'est un collectif très mouvant, donc il n'y a pas toujours les mêmes musiciens. En tout cas, on finit avec Colette Mani, La Morme Hante, c'est le titre de ce morceau, avant de laisser place aux programmes habituels de Radio. Il va y avoir du Electric Masada, je vois, il va y avoir du Vialka, Wolfgang Donner, comme je vous l'ai dit, et Merlis Davjak. Il y a pas mal de choses. Ah tiens, un petit Estrada à se faire dans une demi-heure, juste après un Resident, c'est un Godspeed. Waouh. Ouais, Resident Godspeed. C'est bien votre radio, vous avez de la chance à Toulouse quand même. Hein. Ah mais ça envoie, j'avoue, je suis assez content. Un petit Fred Fries, Dead as a Dodo. Bah, c'est Gong vers minuit 53. Ouais, c'est une playlist générée aléatoirement à partir de morceaux qu'on a rentrés, moi et d'autres animateurs, qui correspondaient un peu à la couleur de la soirée. Ouais, donc vous pouvez rester à l'antenne de Radio, il y a du très bon. Ça fait plaisir de dire ça et d'annoncer ça. Et puis d'ici là, à bientôt, camarades. Et vivement qu'on se refasse nous-mêmes une North Swift One List à notre sauce. Ouais, carrément. Mais d'ici là, il nous reste à peu près 35 émissions à la sauce. Ouais, on en reparle en 2022. Voilà. On verra. Merci beaucoup. Merci à bientôt. Beaucoup. Au revoir. Allez, place à Colette Mani. Bonne fin de soirée à tous. La mort me hante, la vie m'épouvante, dans ses limites acceptées, je vivrai pleinement ma vie en douleur attentive, en plaisir épanoui. L'autre me fait chier, j'ai moins d'espace, mais qu'est-ce que je ferais toute seule, mais qu'est-ce que je ferais toute seule. J'aurais tant aimé danser jusqu'à la fin de mes jours, j'aurais tant aimer danser jusqu'à la fin de mes jours. J'aurais tant aimé danser jusqu'à la fin de mes jours. J'aurais tant aimé danser jusqu'à la fin de mes jours. Toulon, le vent d'est ramène les bois flottés, l'étoile juive y est inscrite, l'a bien fallu que je relève la tête, l'a bien fallu que je relève la tête.